لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tiens, vraiment m'excuser, j'ai oublié de vous annoncer que le DERS était en retard, parce qu'à la base c'était prévu à 21h. J'étais pris dans mes occupations et c'est après que je me suis rendu compte qu'on était en retard. Vraiment désolé, ça arrive. De toute façon, à 21h, j'aurais même pas pu le faire. J'étais pas en mesure de faire le DERS, mais j'ai même pas vu l'heure. Donc, mes sincères excuses, quand dans la machafale. Donc, dans le dernier DERS, on est rentré dans un nouveau fossile, qui est le 8e fossile, qui est Fadl Rihla fi Talab al-Ilm, qui est le mérite du voyage, de se déplacer pour apprendre le ilm. Donc on a cité déjà des hadiths par rapport à ça, quelques conseils par rapport à ça. Et deux, on a pris deux hadiths, que celui qui cherche une voie pour apprendre la religion, le ilm, que Allah Azawajal lui facilitera une voie pour aller au Jannah. Et on a pris également que Talab al-Ilm, c'était une cause pour obtenir le risque, contrairement à ce que beaucoup peuvent concevoir, que partir étudier va les appauvrir. On dira, même si c'est appauvri, par rapport à ce que tu aurais connu comme opulence auparavant, cela ne sera pas une cause qui empêchera de devenir ta subsistance à suffisance. C'est surtout ça qu'il faut. Après le surplus, c'est pas une chose qu'Allah Azawajal t'a garantie, te promet. En tout cas, je parle dans le domaine des choses mondaines. Et dans le Coran, elle a dit « Al-Shaytan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum ma'firatan wa ma'firatan minhu wa fadlan » si je ne me trompe pas dans le verset, que Shaitan vous promet la pauvreté et vous ordonne les turpitudes. Et que Allah vous promet son pardon et une grâce de sa part. Il n'a pas dit qu'Allah vous promet des richesses. Shaitan te fait peur de la pauvreté et t'ordonne à faire les turpitudes, c'est-à-dire à désobéir pour obtenir, pour éviter cette pauvreté que tu crains. Et que Allah Azawajal lui te promet un pardon et de sa grâce. C'est là toute la nuance par rapport à cela. Donc Allah n'a pas promis aux gens qu'il leur rendront riche, mais il leur a promis son pardon et de sa grâce. Et sa grâce, c'est une chose qui est très large. Et dedans peut rentrer la richesse mondaine ou autre dans ce qui est profitable en fait aux serviteurs. Donc là, on va prendre deux nouveaux hadiths dans ce chapitre de Al-Ihla fi Talab al-Ilm, bi-Izni Ta'ala. Donc là, c'est At-Tafakkur Fadl At-Tafakkur fi Din, qui est le mérite de pouvoir s'instruire en religion. Yaqul 'an Mu'awiyah radiyallahu anhu qal سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه. Donc selon Muawiya, il a dit avoir entendu le prophète عليه الصلاة والسلام dire que celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Il lui permet de s'instruire en religion. Donc awalan, le rawi, c'est Muawiya, le fils d'Abu Sofiane, Sakhr ibn Harb al-Qurashi. Abu Sofiane qui était connu pour avoir été parmi les gens les plus hostiles envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis par la suite, quand manallahu alayhi bidukhul fil islam wa qad hasuna islamuhu, et que par la suite il est rentré en islam et il est devenu parmi les grands compagnons de renommée. Donc Mu'awiya, son frère, et également il est le frère de Habiba. C'est le frère d'Umm Habiba. Mu'awiya est le frère d'Umm Habiba. Et Mu'awiya était un grand compagnon parmi ceux qui ont écrit le Wahi, parmi les nobles scribes, les notables du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont écrit le Wahi, c'est-à-dire le Coran, lorsque celui-ci descendait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont été privilégiés parmi ceux qui l'ont écrit, et Mu'awiya était parmi eux. Et Mu'awiya était un homme qui par la suite est devenu un roi, après le califat des quatre khulafa, puis il y a eu Omar ibn Abdelaziz qui a été nommé comme étant le cinquième calife. Et en réalité, si quelqu'un méritait ce surnom et ce statut, c'est Muawiya. Car Muawiya est meilleur que Omar ibn Abdelaziz. Car Muawiya était un sahabi, contrairement à Omar ibn Abdelaziz, qui lui était un tabiri. Donc Muawiya est meilleur que lui. Même si le califat de Omar ibn Abdelaziz a plus marqué dans l'histoire par rapport aux faits qui s'y sont accomplis, hein, selon ce que les gens se rapportent, et par rapport à sa vertu et ce qu'il a fait, Muawiya est meilleur que lui de loin, car c'est un sahabi. Et parmi les grands sahabas. Et sans compter que Muawiya aujourd'hui est devenu un beb pour diffamer les sahabas. Que beaucoup de gens le critiquent aujourd'hui. Et sachez que celui qui critique Muawiya va finir par critiquer les autres sahabas. Et il est parmi les plus détestés auprès des Rafida, radiallahu anhu. Et malgré cela, wa min afadil as-sahaba. Donc Muawiya a entendu cette parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui à qui Allah azza wa jalla veut du bien, il l'instruit en religion. Alors il y a d'autres hadiths qui donnent des signes d'amour d'Allah azza wa jalla envers sa créature, envers son serviteur. Mais parmi les plus grands, il y a celui-ci. Car la chose qui a le plus de valeur, comme on l'avait expliqué la dernière fois, c'est le ilm. D'accord ? Au-delà des richesses mondaines, au-delà de pas mal de choses, la chose qui va donner le plus de valeur à l'homme en ce bas monde, ça va être le ilm, et surtout les actes qui vont découler de ce ilm qu'il va avoir. Car c'est ça qui va l'élever et lui permettre de se distinguer des autres. Et on avait expliqué que c'était une chose qui permettait d'avoir une voie pour aller au paradis. Et vous savez, bi mafhum al-mukhalafa, dans la compréhension par opposition, ça veut dire que des ulama disent, entre autres le sharih de ce kitab, dit que malheureusement, et ça c'est une chose qu'il faut pouvoir prendre en compte et se remettre en question, c'est que lorsqu'on le voit qu'on n'a pas d'amour pour le ilm, qu'on n'est pas facilité pour l'apprendre en soi et qu'on se détourne énormément, cela implique quoi ? Que Allah Azzawajal ne te fait pas de bien. Tout simplement. S'il te veut du bien, il va te permettre de t'instruire en religion. Ne serait-ce que par l'envie de le faire et qu'il va mettre devant toi les causes te permettant d'y parvenir. Mais si tu vois que tu te détournes de cela, tu n'y portes pas d'importance, que tu ne veux pas t'y consacrer ou ce qui s'ensuit, alors sache que cela est un très mauvais signe. C'est pour cela, des fois, tu vas avoir des frères autour de toi ou des sœurs autour de toi, avoir des choses qui te paraissent comme étant des privilèges dans la dunya. Un tel, il a un grand commerce, ça marche bien pour lui. Un tel, il a beaucoup d'enfants. Un tel, il a ceci, cela. Ou telle sœur, elle a ceci, cela, tu vois. Pas mal de choses. Mais ces gens-là, tu les vois loin du ilm. Donc, sache une chose, tu n'as pas à les envier. Quelles que soient les choses qu'ils ont, qui puissent te paraître comme étant des faveurs à tes yeux, si tu vois qu'ils n'ont pas ils ne sont pas motivés à apprendre, ils ne sont pas engagés dans l'apprentissage et qu'ils n'en donnent pas d'importance, sache que ces gens-là, tu n'as pas les envies, quelles que soient les choses mondaines que tu les vois, que tu penses dont ils ont été gratifiés. Ne te fais pas leurrer par cela. Ne vous faites pas leurrer et prendre d'illusions par ce bas monde. Et par contre, si tu vois une personne qui a du ilm, ou qui s'efforce, qui s'y engage, et qui fait des causes pour y parvenir, et malgré cela, tu le vois qu'il éprouve pas mal de choses autour de lui, qu'il n'a pas ceci, n'a pas cela, et bien sache que celui-ci a un bon signe. Et une marque que Allah Azzawajal lui veut du bien. Et que le bien n'est pas forcément dans ce que nous, on veut. D'accord ? Le bien n'est pas forcément dans ce que nous, on veut. Mais les signes du bien, Allah Azzawajal les a donnés à travers sa révélation et entre autres, ce hadith par lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et comprendre la religion, c'est pas comme moi, je sais que c'était à mon époque, on avait un peu cette erreur de compréhension. qu'Allah nous en pardonne, c'était au tout début, c'est quand on voyait que Allah nous a permis de pouvoir connaître la salafia, et on voyait les autres gens, des awam, ou des personnes, voilà, sur une autre voie, on se disait que ce hadith nous concerne. Alors que le hadith vient au-delà de, ce, de cela. C'est sûr que si Allah Azzawajal t'a permis de connaître la salafia et l'istiqama, c'est déjà une marque d'amour, une marque de khayr. Mais est-ce que cela suffit? Combien de gens se disent salafi? Ils sont complètement ignorants de choses essentielles à la religion. Et cela est déplorable. Et ils se croient favorisés par cette salafia, mais en réalité, quand tu le regardes, toute cette salafia que tu prétends avoir, si tu n'as pas d'ilm, elle n'est reste qu'une prétention. Car la salafia se base sur le ilm de base. Pas du fait que parce que tu as la barbe, tu as camis au-dessus des chevilles et que tu écoutes tel et tel shir en soi. Car tu peux avoir tout cela et malgré cela te trouver en transgression à bien des règles de ce menhaj, bien des fondements de ce menhaj. Mais toi, tu t'isoles sur le côté superficiel de ce menhaj. Donc tu t'y affilies. Donc ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, il y avait un kalem qui peut blesser plus d'une personne, mais qui en réalité, il faut prendre en considération, c'était un kalem de Cheikh Mohamed Aman Jami. Il disait qu'un salafi qui ne s'efforce pas, qui ne fait pas de cause, ne serait-ce que pour apprendre la langue arabe, il dit que c'est un tarben. À la base, tarben en français, ça aurait un sens plus péjoratif que ce que le cheikh veut faire comprendre par là. Tarben, à la base, c'est-à-dire fatigué. D'accord ? On va dire c'est une personne qui a une faiblesse, en fait. À ce moment-là, des fois, on va dire Fulan tarben, c'est-à-dire il est malade. Tu verras un malade te dire Ana tarben, dans le sens je suis malade, je suis faible. Donc il dit un salafi qui ne s'efforce pas de faire les causes pour apprendre la langue arabe, ou quoi, il a dit les tarben dans ce manhaj. Car c'est la base de tout pour comprendre, pour le tafakkur fi din, c'est la langue arabe. Sans langue arabe, tu ne vas pas aller loin. Comprends-le bien. Tu pourras lire 10 000 livres, écouter plein de conférences de frères et de lous, tu seras toujours limité, tu seras comme quelqu'un qui est sur une chaise roulante, qui est dépendant de celui qui le pousse, c'est-à-dire dépendant des traducteurs. Toujours. Il est temps d'apprendre à marcher seul. De se lever. Tu auras toujours besoin de soutien, ne serait-ce que doivent venir au ulama, mais tu auras accès à leurs paroles directement, sans passer par l'intermédiaire qui pourra te traduire leurs paroles selon sa compréhension en lui ou selon là où il veut t'emmener. Car beaucoup de gens vous trompent comme cela. Par la traduction. D'accord ? Et les traducteurs, des fois, prennent une place qui n'est pas la leur. Des gens se contentent de traduire des choses et on les met à un niveau trop wafoulen, il parle arabe, il traduit ça, ça, ça. Oui, mais ça peut dire que c'est un talib elim, ça peut dire qu'il a du ilm. Il traduit des choses, ça se trouve même des fois les choses qu'il traduit, il ne connaît pas le sens terminologique. Il n'a pas le goût qui va avec, il n'a pas la vision qui va avec, il n'a pas le vécu qui va avec. Il n'a pas les éléments pour expliquer, il a juste le côté linguistique, mais il n'a peut-être pas le côté juridique qui va avec. Et éducatif qui va avec. Alors que lorsque toi tu apprends la langue arabe, déjà tu arrives à distinguer un peu par toi-même, tu n'es plus dépendant de ce genre de personnes-là, et tu as un élément essentiel pour pouvoir apprendre correctement par la suite. Et ne serait-ce qu'au minimum, lire le Coran et à comprendre l'essence. Quand je dis l'essence, c'est pas l'essence au sens signification, c'est l'essence, c'est E-2-S-E-N-C-E. L'essence, ça que je veux dire par là. Taille. Donc, à bien prendre en compte ce genre de hadiths qui sont courts, qui paraissent comme ça simples, ils sont simples, mais qui révèlent beaucoup de sens. Et qui indiquent beaucoup de choses. Yaqul fi fawaid al-hadith ithbat sifat al-irada lillah azza wa jal. Donc, on y voit l'attribut de la volonté. Que Allah azza wa jal veut des choses. Et cette volonté, par exemple, en français, vous voyez, on n'a que volonté, alors qu'en arabe, on a mashia et on a irada. On a deux mots différents qui ont deux sens différents dans l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Mais là, on ne va pas entrer là-dedans, sinon ce serait trop large. Dans les kutub de Aqidah, on en a déjà parlé. Thaniyan, fadl al-ulama ala sa'ir al-nas, qui montre le mérite des savants par rapport aux autres personnes. Car Allah Azza wa Jal leur a fait cette faveur qui est de comprendre la religion. Thalithan, fadl al-fiqh fi din على سائر العلوم والحث عليه لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنب معاصيه. Et ça montre le mérite de cette instruction religieuse, d'accord, par rapport à toutes les autres sciences qui puissent exister, quelles qu'elles soient, car cela va t'amener à craindre Allah Azawajal, à lui obéir et à éviter les péchés. Car c'est le ilm qui va t'éduquer. Quelqu'un qui n'a pas de ilm, il fait n'importe quoi. Et il juge avec sa tête. Il fait du haram en pensant faire du halal, il fait du des bid'ahs en pensant faire des sunnah, et il pense avoir un comportement qu'on lui a inculqué qui n'est pas celui de la religion, et il base tout sur ses humeurs, ses goûts, les couleurs, et il comprend rien. Et il pense être sur quelque chose alors qu'il est sur rien du tout, parce qu'il n'a pas d'ilm. Comme c'est le cas de beaucoup d'awam, des gens de la masse. Alors que celui qui a du ilm, il est éduqué. Et il agit différemment et se distingue par ce ilm que Allah lui a accordé s'il l'applique. Rabi'an, anna man arada Allahu bihi khayran faqahahu fi ma'rifat usul al-iman wa shara'i al-islam wa haqa'iq al-ihsan wa ma'rifat al-halal wal-haram wa faqahahu fi lil-amal biha. Donc il dit celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre les fondements de la foi ainsi que les rites de la religion, ses emblèmes, ainsi que les réalités de l'ihsan, excellence, et il lui fait connaître ce qui est halal, ce qui est haram, et lui permet de pouvoir agir en conséquence. Khamisan, anna man a'rada 'an at-tafakkuh fi ad-din faqad hurima al-khayr. Wa inna Allah ta'ala lam yurid bihi khayra. Et que celui qui se détourne de l'apprentissage en religion, il était privé d'un grand bien, et que celui-ci, Allah ne lui veut pas de bien. Donc ce hadith-là, il faut bien le méditer et bien le comprendre. Bien le méditer et bien le comprendre. ثم يقول فضل تعلم القرآن وتعليمه. Donc maintenant c'est le fadl d'apprendre le Coran et de l'enseigner. Et là on va prendre le hadith d'abord. يقول donc c'est le j'ai oublié de dire tout à l'heure le numéro du hadith. Là c'est le 144e hadith du kitab qui est le 4e de ce fasl. يقول عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Il a dit le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et ça revient à ce qu'on disait dans le premier vers de ce chapitre, qui est que talab al-ilm, c'est ça le qasd, raf'u al-jahli 'an nafsik wa 'an ghayrik. C'est le fait d'ôter l'ignorance qui est en toi et de l'ôter d'autrui. Ça veut dire tu es profitable pour toi-même en premier lieu, ce qui est le plus important, mais également pour autrui. Tu propages, tu diffuses, tu enseignes, tu conseilles, tu diriges tout cela dans les mesures de tes connaissances et de tes capacités. Et ce hadith, il revient à ça. Car lorsqu'il dit « Afdalukum man ta'alama al-Qur'an wa 'allama », le meilleur entre vous, celui qui a pris le Qur'an et qui l'enseigne, c'est le Qur'an en lui-même, qui est le livre d'Allah Azawajal, donc le fait de l'apprendre, et qui dit apprendre, le comprendre, et également de l'appliquer, et de l'enseigner à autrui. Et ça va avec tout ce qui est lié au Coran, car le Coran c'est la base des ulum. Car tout ce qu'on apprend comme hadith, comme tafsir, comme aqidah, comme fiqh, même la langue arabe, c'est pour pouvoir comprendre le Coran, pour pouvoir appliquer ce Coran, car c'est lui qui est hudan linnas, qui est une guidée pour les hommes, ce Coran. Il faut le comprendre, ce Coran, il faut les éléments pour l'avoir. Donc tout ce qui est ilm, shari, ce sont des ulum qu'on peut réunir dans le terme Coran en soi. Même si après, si on fait le tafsir ou on développe, on va amener à les distinguer. Mais ça, le tout, c'est quoi? C'est d'en arriver au Coran. Car c'est la base de tout. D'accord? C'est la base de tout, c'est comprendre le Coran et de comprendre la sunna. Et la sunna vient pour expliquer le Coran. De base. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des versets, ce sont certains versets qui ont détaillé certains hadiths. C'est également arrivé le contraire. Mais de base, la sunna est venue pour clarifier le Coran. Donc tout va ensemble. C'est comme dans le hadith qu'on cite souvent. Qu'il n'y a pas des gens qui se réunissent dans les maisons d'Allah Azawajal pour lire son livre et l'apprendre et l'enseigner par la suite. Et là, ce qui est voulu par le livre, ce n'est pas le livre en lui-même seulement, mais c'est tout ce qui va avec. Donc ça va avec les hadiths, la langue arabe et tout ce qui s'ensuit. Donc le Coran, des fois, il est voulu par le livre en lui-même, et après il est voulu tout ce qu'il y a autour de ce livre. Taïeb. Donc le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est celui-ci. Celui-ci qui apprend et qui par la suite, qui l'enseigne. D'accord? Après, d'autres hadiths sont venus, Khayelokum man fa'ala kaza wa kaza wa kaza. D'accord? Par exemple, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khayelokum, Khayelokum bi nisa'i. Le meilleur d'entre vous, celui qui est le meilleur avec ses femmes. Par exemple. Et ainsi de suite. Wa khayl an-nisa allati idha nazarta ilayha asratka wa idha amartaha ata'atka. La meilleure des femmes, c'est lorsque tu la regardes, elle te réjouit. Lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit. Mais ces choses-là, comment est-ce qu'on les comprend? Comment est-ce qu'on le sait, ça? Parce que c'est le Coran qui nous l'a enseigné. C'est la religion qui nous l'a enseigné. Vous comprenez? Donc ça revient à ça. Donc Khayruna, de base, c'est celui qui aura le Coran. Et celui qui aura le Coran, qui l'aura compris, ces hadiths-là, il va les comprendre et il va les appliquer autant que possible. Donc il rentrera dans les meilleurs d'entre nous. Ça va ensemble. Mais tu ne verras pas un homme être le meilleur avec ses femmes s'il n'applique pas le Coran. C'est pas possible. Et tu ne verras pas une femme être la meilleure des femmes s'il n'applique pas le Coran. Ce n'est pas possible. Donc tout ça, ça va ensemble. C'est relatif. C'est relié, je veux dire. Donc autant ça peut être apprendre le Coran, comme on l'expliquait, le mémoriser et l'enseigner aux autres pour qu'ils le mémorisent. Ça, c'est parmi les meilleures choses à faire également. Prof de Coran, c'est magnifique. D'accord? Et il y a également celui qui apprend le Coran par rapport à ses sens, par rapport à sa signification et par rapport au ulum qui gravite autour du Coran. C'est également, ça rentre dedans. Taïb, yakoul. Et tout ça, ça rentre, n'oubliez pas le chapitre, que ce genre de choses, la meilleure façon de pouvoir le faire et d'obtenir, c'est de voyager. Le tafakkur fid-din wa ta'allum al-Qur'an al-ahsan lil-husul alayhima huwa rihla fi talab al-ilm. Le meilleur moyen de s'instruire en religion, d'apprendre le Qur'an, pour pouvoir par la suite l'enseigner, c'est de voyager vers les gens qui ont ce ilm. C'est le meilleur à faire. Il y aura plus de baraka, il y aura plus de résultats, et ce voyage va vous éduquer énormément. Vous allez apprendre énormément de choses qui des fois ne se prennent pas dans les kutub, mais qui se prennent dans la vie de tous les jours. Au sein justement de ces gens qui enseignent, vous allez apprendre beaucoup de choses. Biznillah ta'ala. Yaqul fawaid al-hadith. At-targhib fi ta'allum al-Qur'an wa al-inayati bihi 'amalan wa 'ilman wa 'amalan. Donc ça montre là, c'est pour nous motiver, nous inciter à apprendre le Coran et à faire cela avec de façon minutieuse, avec soin, tant dans le 'ilm à apprendre, qui est la théorie, que dans la pratique. Thaniyan fadl ta'lim al-Qur'an lafzan wa ma'na wa sulukan, qui est le mérite d'apprendre le Coran tant dans le fait de le mémoriser, dans le fait de le comprendre et dans le fait de l'appliquer également. Thalithan an qira'at al-Qur'an afdal a'mal al-birr kulliha. Et que lire le Coran est le meilleur, la meilleure des actes, le meilleur des actes. Parmi les actes de piété, lire le Coran. Car c'est lire le Coran qui va t'emmener à faire le reste. De base. Rabi'an bayan fadilat man jama'a bayna hifz al-Qur'an wa al-'amal bihi wa ta'limihi an-nas. Et ça montre le mérite d'une personne qui aura lié entre le fait de mémoriser le Coran, de l'appliquer et de l'enseigner aux gens. خامسا ان القران اشرف العلوم لانه كلام الله واصل العلوم et que le Coran est la plus noble des sciences car elle est la parole d'Allah Azza wa Jal et est la base de toutes les autres sciences. C'est le Coran comme on vient de l'expliquer. Naam tayeb. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui comme ahadith. Je voulais prendre la troisième mais bon, déjà on a tardé, il se fait tard et les gens ont des mashagil. فنسال الله يحفظكم ويوفق الجميع فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.